troisième volet de notre semaine consacrée à l'histoire de l'Europe dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, une émission d'archives autour des discours anti-européens. Au lendemain du discours du président de la République sur l'Europe à la Sorbonne, dans lequel il s'attaquait hier à ce qu'il a appelé après d'autres les passions tristes de l'Europe, nous nous arrêtons ce mercredi sur les discours anti ou alter européens, parce qu'il ne faut pas les confondre. Qui les a tenus et dans quel contexte? Y a-t-il un point commun entre la contestation léniniste des États-Unis d'Europe en 1915 et le discours dit de Cochin de Jacques Chirac en 1978? C'est ce que nous verrons grâce à des textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui et commentés par nos trois invités avec Victor Massé-Lépinay qui a préparé cette semaine avec nous. Nos trois invités sont Christophe Ledréau, il est agrégé d'histoire, professeur au collège de Saint-Aignan et auteur avec Laurent Varlouzet, deuxième invité de cette émission, professeur d'histoire à l'université du littoral Côte d'Opale Boulogne-sur-Mer, d'un livre qui s'intitule « Anti-européen, eurosceptique et souverainiste, une histoire des résistances à l'Europe ». C'est un livre collectif paru en 2009, mais également avec Jean-Michel Guilleux et Jenny Raflick de « Penser et construire l'Europe au XXe siècle » dans la collection Belin Sup Histoire. Et Birte Wassenberg sera en duplex avec nous depuis Strasbourg où elle enseigne, puisqu'elle est professeure d'histoire des relations internationales à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg. Ces idées en nom, nationalisme, identitarisme, protectionnisme, souverainisme de repli. Ces idées qui tant de fois ont allumé les brasiers où l'Europe aurait pu périr, les revoici sous des habits neufs encore ces derniers jours. Elles se disent légitimes parce qu'elles exploitent avec cynisme la peur des peuples. Trop longtemps, nous avons ignoré leur puissance. Trop longtemps, nous avons cru avec certitude que le passé ne reviendrait pas. Nous avons pensé que la leçon était retenue. Nous avons pensé que nous pouvions nous installer dans la langueur, l'habitude. Abandonner un peu de cette ambition, de cet espoir que l'Europe devait porter, puisqu'elle devenait comme une évidence dont nous aurions perdu le fil. Mais les passions tristes de l'Europe sont bien là. Voilà, c'était le président de la République Emmanuel Macron dans son discours sur l'Europe. C'était hier à la Sorbonne et c'est bienvenu que de l'avoir ainsi entendu donc critiquer les nationalismes, les identitarismes, les protectionnismes, le souverainisme de repli, parce qu'effectivement il utilise quatre mots pour pouvoir traiter de cette question de ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'Europe telle qu'elle existe. Mais il y a peut-être encore plus de mots à utiliser. C'est ce que nous verrons dans cette émission de ce jour, puisqu'il est consacré cette émission à cette question des discours anti-européens. Bonjour Victor Massé-Lépinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Christophe Ledréau. Bonjour. Bonjour à vous Laurent Varlouzet. Bonjour. Et bonjour Birte Wassenberg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc dans les studios de Radio France qui vous accueille à Strasbourg donc pour évoquer cette question. Alors Christophe Ledréau, il faudrait s'entendre sur les termes, et même les historiens ont beaucoup de mal à s'entendre sur les termes qui doivent être utilisés. Est-ce qu'on dit eurosceptique? Est-ce qu'on dit anti-européen? Est-ce qu'on dit alter-européen? Je voulais organiser une journée d'études il y a 2 ans et elle devait s'appeler l'Europe des anti-européens. Et j'ai la moitié des contributeurs qui ont refusé de venir parce qu'il y avait le mot anti-européen. Sinon, toutes les personnes qu'ils interrogeaient pour leur source refusaient de poursuivre les entretiens parce qu'ils refusent le terme anti-européen. Or, eurosceptique, si on devait donner l'acte de naissance, c'est le 30 juin 1986 dans les pages du Times, mm-hmm. C'est un terme de journalisme. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler d'euroscepticisme si dans cette date. Ouais, si on est historien, sinon, effectivement. C'est de l'anachronisme. Ouais. Il n'y a pas d'euroscepticisme dans les années 20. Quoi. Ouais. Souverainisme, ça apparaît en 1997. Pas avant. On va les appeler eurosceptiques, étaient très déçus qu'on les ait appelés de manière négative pendant la campagne sur le référendum de Maastricht. Et donc, en 1992 1992, et donc ils voulaient un terme plus positif, ce sera celui de souverainisme, sachant que là c'est pour la droite. Vous avez utilisé le terme d'alter-européen, ça c'est pour l'extrême gauche, c'est calqué sur alter-mondialisme. Philippe de Villiers lui préférait euro-réaliste. Les communistes en 97 inventent euro-constructif. Donc quel que soit le mot que vous utilisez, c'est un choix. Si vous êtes alter-européen, vous êtes extrême-gauche. Oui, si vous êtes souverainiste, vous êtes de droite. Oui, Laurent Varlouzet, quand le président dit nationaliste, identitaire, protectionniste, souverainiste de repli, on voit qu'il désigne ses ennemis d'une certaine façon, Laurent Varlouzet, sur sa vision de l'Europe. Oui, on voit, on peut quand même faire une distinction entre les anti-européens qui sont foncièrement hostiles à n'importe quel type de coopération européenne, quelle qu'elle soit, par nationalisme, par attachement à l'identité, une entité essentialiste, par aussi tout simplement opposition au système capitaliste, donc ça c'est les communistes, et puis ceux qui voudraient une autre Europe, plus intergouvernementale, différente, plus sociale. Ça, ce serait un petit peu une distinction quand même de base qu'on pourrait faire. Victor Massé de l'Épinay. C'est aussi une des distinctions qui a été faite dès l'origine du terme euroscepticisme, où on avait le hard euroscepticisme et le soft euroscepticisme. C'est une distinction qui va être importante aujourd'hui. Le hard euroscepticisme, c'est l'anti-Europe totale. C'est-à-dire, on est contre une idée d'Europe. Le soft euroscepticisme, c'est contre la construction européenne telle qu'elle va, telle qu'elle se pense et telle qu'elle s'est faite depuis l'après-guerre, en tout cas. Christophe Ledréau. Alors, ce sont deux politistes anglais d'origine polonaise, c'est pas un hasard, qui vont forger ces termes, effectivement, de hard euroscepticism et de soft euroscepticism. Pourquoi est-ce qu'ils inventent ça? C'est d'abord, il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est tout à fait critiqué, parce qu'en fait, c'est pas opérationnel comme concept. On a du mal à distinguer les eurosceptiques des europhobes. Mais c'est vrai que voilà, ce sont les Anglais qui ont besoin d'écrire ce qu'ils vivent, hein, Thatcher. Et puis ils vont inventer ceux qui critiquent de manière simple. Même Emmanuel Macron critique l'Europe puisqu'il veut des réformes de cette Europe-là. Mmh. Donc il est sceptique sur cette forme d'Europe. Et puis ceux qui vraiment ne veulent pas de l'Europe du tout. Oui, parce qu'aujourd'hui tout le monde est pour l'Europe, mais tout le monde est pour une autre Europe. À condition que ce soit pas celle-là. J'avais déjà travaillé sur les libéraux anglais. Et les libéraux anglais, c'est un summum de contradictions. Au niveau national, il n'y a pas plus fédéraliste qu'eux. Ils sont pour une fédération européenne. Quand ils sont au niveau local, ils sont dans les circonscriptions les plus eurosceptiques d'Angleterre. Les bastions de la pêche, de la chasse et tout ça. Et donc, ils résolvent cette contradiction en disant, nous sommes pour une Europe, mais l'autre. Une autre. Birte Wersenberg, sur ce point, puisque vous avez été l'auteur avec Frédéric Clavert et d'autres, avec de anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 45 à nos jours, donc paru à Stuttgart en 2010, et que votre thèse s'appelait « Diversité des coopérations et des résistances à l'Europe », parce qu'on pourrait dire aussi, effectivement, résistant à l'Europe telle qu'elle est en train de se faire, par exemple. Voilà, alors nous, on avait beaucoup travaillé sur les concepts au départ de notre cycle de recherche qu'on avait fait comme jeunes chercheurs à l'époque. Et on avait en fait trouvé que les concepts sont utilisés à des fins parfois politiques, à des fins que chacun interprète un tout petit peu, même quand on parle de soft ou de hard euroscepticisme, cela dépend toujours de l'auteur qui utilisait. Donc à la fin, on est venu à la conclusion qu'il vaudrait mieux peut-être parler des résistances à l'Europe, puisque cela permet d'englober toute une diversité de termes et de concepts sur ces oppositions très diversifiées à l'Europe. Oui, mais vous voyez bien que si on dit résistance, il y a plusieurs types de résistance. Il y a la résistance passive, la résistance active, la résistance armée, d'une certaine façon. Donc on pourrait là aussi multiplier, sous ce terme générique, des gradations, pourrait-on dire, de ceux qui sont pour une Europe différente, de ceux qui sont contre radicalement l'Europe, etc., etc., Birte Wersenberg. Oui, tout à fait. On avait les résistances, ça permet, disons, d'avoir un terme global. Et ensuite, il s'agit d'analyser plus précisément ce qui se cache derrière les discours anti-européens. Parce que si vous dites ceux qui sont pour ou contre l'Europe, moi, je vous demanderai au retour, mais quelle Europe? Parce que moi, comme vous le savez sans doute, je suis aussi spécialiste d'une autre organisation européenne que l'Union européenne, oui, qui est le Conseil de l'Europe. Et donc, on pourrait très bien, si vous êtes, par exemple, vous êtes contre l'Union européenne, mais pour le Conseil de l'Europe. Et c'est tout à fait peut-être une autre façon de coopérer au Conseil de l'Europe, plus intergouvernementale, que celle qui se pratique à l'Union européenne. Et oui, on en discutera d'ailleurs dans un instant, mais repartons dans le passé, après avoir entendu une archive très récente, puisqu'elle datait d'hier, à savoir le discours du président à la Sorbonne à propos de l'Europe. Repartons un siècle en arrière, nous sommes en 1915, et un certain Lénine écrit sur le mot d'ordre des États-Unis d'Europe. Dans le numéro 40 du Social-Démocrate, nous annoncions que la conférence des sections de notre parti à l'étranger avait décidé d'ajourner la question relative au mot d'ordre des États-Unis d'Europe tant que l'aspect économique du problème n'aurait pas été examiné dans la presse. Les débats sur cette question avaient pris à notre conférence un caractère exclusivement politique. Le manifeste du Comité central non seulement préconisait les États-Unis républicains d'Europe, mais il soulignait tout spécialement que sans le renversement révolutionnaire des monarchies allemandes, autrichiennes et russes, ce mot d'ordre était absurde et mensonger. Mais si le mot d'ordre des États-Unis républicains d'Europe, formulé en liaison avec le renversement révolutionnaire des trois monarchies les plus réactionnaires d'Europe, est absolument inattaquable en tant que mot d'ordre politique, on se heurte encore à une question éminemment importante, celle du contenu et de la portée économique de ce mot d'ordre. Du point de vue des conditions économiques de l'impérialisme, c'est-à-dire de l'exportation des capitaux et du partage du monde par les puissances coloniales avancées et civilisées, les États-Unis d'Europe sont en régime capitaliste, ou bien impossible, ou bien réactionnaire. Le capital est devenu international et monopoliste. Le monde se trouve partagé entre une poignée de grandes puissances, c'est-à-dire de puissances qui s'enrichissent en pillant et en opprimant les nations sans retenue. Et en régime capitaliste, toute autre organisation est impossible. Renoncer aux colonies, aux sphères d'influence, à l'exportation des capitaux? Y songer serait descendre au niveau du curé de campagne qui, tous les dimanches, prêche aux riches la majesté du christianisme et leur recommande de donner aux pauvres, sinon quelques milliards, du moins quelques centaines de roubles par an. Les États-Unis d'Europe en régime capitaliste équivaudraient à une entente pour le partage des colonies. Or, en régime capitaliste, le partage ne peut avoir d'autre base, d'autre principe, que la force. Voilà un texte de 1915 de l'auteur de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, une sorte de mot d'ordre, pourrait-on dire, de Lénine pour refuser la question des États-Unis d'Europe, Christophe Le Dréau. Moi, j'ai quelques petites réflexions quand même sur ça. C'est d'abord la date, 1915. La première institution européenne, c'est 1950. L'Europe est juste une idée, il y a encore très vague, il n'y a même pas l'idée de... Le projet de fonder, c'est vraiment une illusion, une utopie, les États-Unis d'Europe, et ils prennent le temps de discuter de ça. Mmh. Il aura une réponse de Trotsky, d'ailleurs, qui lui dira « Vive l'Europe et vive les États-Unis socialistes d'Europe ». Ça, c'est la première remarque. Hein. On parle, il y a un anti-européisme avant même les institutions européennes. Mmh. Deuxième chose qui me marque, c'est que même Trotsky, qui pourtant va dire « Vive les États-Unis d'Europe », lui va faire... les Trotskistes aujourd'hui sont anti-européens, mais au nom des États-Unis socialistes d'Europe, parce que justement l'Europe actuelle n'est pas suffisante. Et puis troisième chose, il y a un discours qui est invariant, qui est fixé par Lénine, qu'on retrouve dans plusieurs forces politiques comme les communistes. L'idéologie marxiste, évidemment, qui fait qu'on refuse le capitalisme. Un discours très anti-germanique en 1915, comme Première Guerre mondiale, malgré tout. L'anticapitalisme, l'anti-américanisme, l'anticolonialisme, enfin, tout ça en là. Puis vous adaptez ça en différentes périodes, 1950, 1957, 2000. Vous avez la même chose. Aujourd'hui, vous avez encore la peur d'une hégémonie allemande. Vous trouvez ça dans la bouche de Mélenchon. Vous avez la peur, la défense de la Russie, évidemment, les ambiguïtés de Mélenchon vis-à-vis de Poutine. Et voilà, ça a vraiment fixé tout un discours. Oui, Laurent Varlouzet, sur ce texte de Lénine de 1915. Oui, juste une réflexion sur la notion d'échelle. En fait, c'est vrai qu'Europe, en 1915, ça signifie déjà une grande partie du monde avec les colonies. Et donc, du coup, c'est pas la même chose que l'Europe telle qu'elle se définit après. Par ailleurs, la construction européenne telle qu'on l'entend après 1945, c'est une coopération volontaire entre des démocraties libérales. Donc là, Lénine pose évidemment le problème des régimes qui sont des dictatures, des régimes autoritaires. Donc déjà, on ne parle pas tout à fait de la même Europe. Et ça revient à ce que disait Christophe sur des tendances de long terme, c'est-à-dire que vous avez des familles politiques qui sont avant tout intéressées par la solution de problèmes, la résolution de problèmes à l'échelle mondiale, donc comme les communistes. Et donc pour eux, l'Europe, c'est juste une échelle de coopération intermédiaire qui n'est pas forcément un but en soi. Et on retrouve ça à une moindre échelle chez les socialistes. On disait, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt pour l'Amérique du Sud, par exemple, que pour la Belgique de Cancun, ou Luxembourg. Voilà. Le discours de Cancun, par exemple, en 1982, si je ne me trompe. Birte Wassenberg, sur ce discours de Lénine. Alors pour moi, ce qui, je le trouve presque visionnaire, parce que si vous transposez ce discours-là, vous pourriez l'utiliser aujourd'hui, à l'encontre de la façon dont s'est réalisée l'Europe après 1945, parce que c'est quand même sur la base d'une philosophie libérale capitaliste que se sont formées les institutions communautaires. Donc, moi, j'appellerais le discours de Lénine, pour moi, c'est plutôt de l'alter-européisme, presque, que de l'anti-européisme. Victor Massé de Lépinay. Oui, parce que déjà, Lénine exprime ce qu'on disait il y a quelques minutes, quand il dit le mot d'ordre des États-Unis et d'Europe est absolument inattaquable en tant que mot d'ordre politique. C'est-à-dire que le projet politique n'est pas en soi condamnable. Ça, peut-être que ce sera l'apanage des fascistes italiens avec leur revue Anti-Europa, où là, il y aura quelque chose de très clair, mais pour Lénine, ce n'est pas une opposition politique, c'est d'abord une opposition économique. Christophe Lautereau. Oui, mais évidemment, à partir du moment où on est internationaliste, oui. Après, quand même, deux, trois petites choses. Lénine, bon, évidemment, est anti-libéral, mais les libéraux sont contre l'Europe aussi. Les libéraux ont un discours anti-européen dès les années 20. Ludwig von Mises, 1928, va faire un discours contre l'Europe. Vous avez également Charles Maurras, qui écrit contre l'Europe dès les années 20. Et c'est vraiment toutes ces familles-là qui ont vraiment un discours invariant. Et parmi les libéraux, vous nous avez fait découvrir Henri Lambert, donc, qui intervient au Congrès européen de Bâle en octobre 1932 à propos de la Pan-Europa ou des États-Unis d'Europe de messieurs Briand, Herriot, Koudenov, Kalergi et consorts. Un texte qui nous est lu par Nathalie Canoui. J'estime que la fédération politique européenne est non seulement impossible, mais même indésirable. L'unité de l'Europe n'est que géographique. Ethniquement, moralement, culturellement, politiquement, elle est et restera encore longtemps un mythe. Rien qu'un mythe. Toute fédération politique présuppose l'accord et même la concorde entre les nations intéressées. Pour fédérer politiquement, par exemple, la France, l'Allemagne et l'Italie, il faudrait avoir préalablement résolu les questions qui les divisent. Or, celles-ci, exclusivement économiques au fond, ne peuvent trouver qu'une solution économique. Spécifiquement, la solution libre-échangiste. Mais ceci réalisé, la fédération politique devient inutile et même nuisible. Pourquoi, en effet, dans quel but la vouloir? Serait-ce afin de compliquer les situations et rendre à nouveau la paix précaire, sinon impossible? Ce qu'il faut à l'Europe et au monde entier, ce n'est pas l'union politique des nationalités, mais bien tout au contraire les possibilités fournies à celles-ci de vivre politiquement séparées. Or, pour donner utilement et définitivement satisfaction à leur indomptable et légitime volonté d'indépendance et de liberté mutuelle, la sécurité générale qui résultera de la liberté économique internationale est indispensable. Sous ce régime, il n'y aura plus aucun inconvénient à ce que les nations se subdivisent quasi indéfiniment, parce que d'une part, les marchés de tous les peuples seront mondiaux, et que d'autre part, la puissance militaire sera devenue inutile. L'Europe sera tranquille, heureuse et prospère lorsqu'elle sera composée de quelques centaines de petites démocraties républicaines, libres et indépendantes, vivant sous le régime de la liberté économique et internationale. Les nationalités s'entendront alors facilement et tout naturellement pour constituer une vraie société des nations, fonctionnant avec efficacité. Mais conséquence remarquable, l'esprit nationaliste étroit, jaloux et agressif finira alors par disparaître. Alors c'est très étrange, Christophe Lautereau, parce que ce texte d'Henri Lambert au Congrès européen de Bâle n'est pas un texte anti-européen et surtout c'est un texte anti-nationaliste, donc c'est assez étrange comme position que tient cet Henri Lambert en opposition à Briand, à Herriot, dont d'ailleurs les opinions sur l'Europe ont été mouvantes tout au long de sa carrière, à Koudenov, Kalergi, etc., etc. Le mot essentiel, c'est ambivalence, effectivement. Henri Lambert, c'est issu d'une famille d'industriels belges. Il est libre-échangiste, il va fonder une ligue internationale pour le libre-échange. Il est en coopération avec le Richard Cobden Club, qui est le club libre-échangiste anglais. Donc effectivement, au nom du libre-échangiste, il va être contre l'Europe dans un premier temps, parce que pour lui, c'est uniquement du protectionnisme à échelle continentale. Mais en même temps, le Richard Cobden Club, en 1930, va fonder la section britannique de Pan-Europe. Parce que c'est bien de faire la paix. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est des institutions stables. C'est éventuellement la garantie des frontières dans une période de révisionnisme. Mais en même temps, bon, il ne faut pas que ça dégénère en protectionnisme. Donc on a du mal à imaginer un Lambert qui à la fois est contre l'Europe, mais, dans un premier temps, mais qui en même temps va fonder une section britannique de Pan-Europe. Birte Vassenberg, sur un discours comme celui-ci, effectivement, qui date des années 30, rappelons-le, avec la montée des périls, ce qu'on a appelé la montée des périls pendant l'entreprise. De guerre, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant dans une approche comme celle-ci. Pour moi, en fait, ce discours montre un peu l'opposition qu'il y a dans l'entre-deux-guerres de beaucoup de projets européistes entre l'approche économique d'une part et l'approche politique. Il y en a qui, comme par exemple le Herford, cherchaient à imposer une unité politique avec des institutions politiques fortes ou même voire une fédération, et d'autres qui avaient une vision beaucoup plus soit géographique de l'Europe. Lui, il ne conteste pas l'unité géographique de l'Europe, par exemple, ou une vision plus économique, et je pense que lui, il plaide pour une Europe économique libre et échangiste, et qui, par cela, garantirait également la paix. Sur ce point, Laurent Valuzet. Je pense que ce texte, ça montre aussi combien certains libéraux économiques radicaux, ce qu'on appelle parfois des ultralibéraux, mais par anachronisme, pouvaient s'opposer à l'Europe, une Europe qui trouvait trop protectionniste. Et ça, on l'a vu pas mal après 45 chez les partenaires de la France. Donc Ludwig Erhard, le ministre allemand de l'économie, lorsque le traité de Rome est négocié, trouve que l'Europe à 6, ça risque de créer un club protectionniste chez les Britanniques. Et on a ça très longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, Theresa May qui reprend cette rhétorique en disant, voilà, grâce au Brexit, on va pouvoir créer une Global Britain dégagée de la technocratie protectionniste, socialisante de l'Europe, en reprenant un petit peu déjà des critiques thatchériennes. Oui, parce que la position britannique est toujours une position intéressante sur cette vision que peuvent avoir les Britanniques de l'Europe, c'est-à-dire à la fois peut-être plus largement plus libre échangiste, en l'occurrence Christophe Le Dréau, mais avec moins de contraintes et moins de contraintes sur la souveraineté nationale supposée de la Grande-Bretagne. Vous me lancez sur mon sujet de thèse, mais pour faire simple, il y a un mot qu'il faut utiliser, c'est la SDN. Il y a deux projets universalistes qui sont concurrents dans l'entre-deux-guerres, et c'est comme ça qu'il faut comprendre Henri Lambert. Le libre-échange, la paix, est-ce qu'on le fait dans le cadre de la SDN ou est-ce qu'on le fait dans le cadre des États-Unis d'Europe? C'est ça l'opposition. Les principaux anti-européens dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, ce sont les pacifistes genevois. Donc pas forcément des nationalistes. Bon, il y a les communistes, l'Action française, mais je veux dire, ce sont essentiellement des pacifistes genevois. Ensuite, pour la Grande-Bretagne, les Britanniques sont très clairs. Il y a un discours de Winston Churchill en 1930, dans lequel il dit d'accord au plan brillant. L'Europe, c'est bien, mais à une condition. La Grande-Bretagne n'y est pas. Tous les Britanniques sont très clairs sur ça. J'ai fait ma thèse sur les mouvements pro-européens en Grande-Bretagne de 1929 à 1950, ça existe. J'en ai recensé 18. Et ces 18 mouvements, donc ils sont très nombreux, hein, le premier créé en 1913, sont tous très clairs. Oui à l'Europe si on n'y est pas dedans. Donc de ce point de vue-là, et puis tous mes pro-européens deviennent anti-européens en 1950, dans une logique qui est extraordinaire. Oui, parce que change Birte Vassenberg la Seconde Guerre mondiale, justement, dans cette idée à la fois de l'Europe en train de se construire et de l'autre côté de ceux qui se disent alter ou anti-européens ou qui résistent à cette Europe en train de se construire? Que change la Seconde Guerre mondiale, justement, dans les positions multiples que peuvent tenir ceux qui se trouvent, disons, en marge ou qui regardent cela en train de se faire? Mais disons, pour moi, la différence entre l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les idées existaient dans l'entre-deux-guerres et puis après, on les met en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la première idée qui se réalise quand même, il faut le dire, c'est quand même sous impulsion aussi des Britanniques, notamment de Winston Churchill, et c'est le Conseil de l'Europe, c'est une certaine vision de l'Europe. Et alors, précisons bien que le Conseil de l'Europe est intergouvernemental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délégation de souveraineté à une instance supranationale et qu'on reste dans un cadre qui est relativement classique, pourrait-on dire, en l'occurrence, Birte Vassenberg, de coopération entre États autour d'un projet. Oui, tout à fait, mais il faut quand même rappeler que la mise en place du Conseil de l'Europe était un compromis entre des positions qui se sont affrontées déjà au Congrès de La Haye en 1948, entre les fédéralistes et les intergouvernementalistes, les unionistes, comme on les appelait. Ces positions donc, qu'on pouvait retrouver dans les délégations britanniques d'un côté et des délégations françaises, belges et italiennes de l'autre côté, avaient trouvé un compromis dans l'organisation du Conseil de l'Europe. Et on peut dire que les intergouvernementalistes ont gagné, mais l'opposition entre les deux courants continuait au sein du Conseil de l'Europe une fois qu'il était mis en place. On le voyait à l'Assemblée parlementaire dans les discours de ceux qui voulaient plutôt convertir le Conseil dans quelque chose de plus fédéral et ceux qui voulaient le garder intergouvernemental. Victor Massé de Lépiné. Ce qui va changer après la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'Europe va commencer à se construire, c'est peut-être aussi la place de certains pays comme repoussoir ou comme spectre. Je pense évidemment aux États-Unis qui vont être toute la rhétorique économique qui sera contre la construction européenne, c'est que ce sera une dépendance des États-Unis ou qu'il faut se positionner face aux États-Unis. Et il y a aussi une opposition nationaliste, avec en particulier la question de l'Allemagne, puisque on est dans l'après-guerre. Est-ce qu'il faut tout de suite non pas seulement refaire confiance à l'Allemagne, mais lui permettre de retrouver sa grandeur? Est-ce que l'Allemagne ne va pas écraser l'Europe? C'est aussi en ces termes-là que ça se pose, peut-être surtout en France. Laurent Verlouzé. Oui, en France, en Europe, en fait, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, elle rend possible ce passage qu'a évoqué Bert Wassenberg du penser ou construire l'Europe, pour aussi une question géographique, parce que d'une part, l'Europe est plus réduite, la décolonisation est en cours, on peut pas faire l'Europe avec l'Europe de l'Est, et puis la Deuxième Guerre mondiale permet aussi la supranationalité qui était refusée par tous les gouvernants pendant l'entre-deux-guerres, même quand Briand parle d'un lien fédéral, c'est dans un cadre intergouvernemental, et ce qui différencie la construction européenne, notamment la construction européenne communautaire, la CECA, la CE, des autres formes d'organisation internationale, c'est cette supranationalité. On accepte de mettre en commun certaines compétences qui vont au-delà des États-nations, et ça, il a fallu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale pour que certains gouvernements l'acceptent. Christophe Laudréau. C'est vrai que dans la période 48-49, le problème, c'est que ce sont les Britanniques qui fixent les règles. Le Congrès de La Haye est organisé par Winston Churchill et son gendre Duncan Sands. Ce sont les Britanniques qui font, parce qu'il y a un débat en 48, est-ce que les Allemands sont invités au Congrès de La Haye? Et c'est Winston Churchill qui les fait venir un 8 mai 48, la date n'est pas choisie au hasard, et il fait applaudir Adenauer avec tous les congressistes debout. Donc il y a cette question de l'Allemagne. Après, il faut aussi penser aux questions conjoncturelles. Par exemple, quand on parle de la CED, la Communauté Européenne de Défense, il faut penser que dans le même temps, vous prenez les premières pages du Monde, on parle aussi du procès d'Oradour. Quand vous prenez la première colonne, il faut réarmer l'Allemagne, et puis deuxième colonne, il y a le procès d'Oradour. C'est parfois, il y a ces aspects conjoncturels aussi qu'il faut prendre en compte, au-delà des invariants. Ah bah bien entendu, et donc un des discours qui est resté dans ces discours qui critiquent le marché commun en particulier, c'est celui de Pierre Mendès-France, prononcé à l'Assemblée nationale, à propos de la ratification du traité de Rome. Nous sommes le 18 janvier 1957. Si le mouvement des capitaux et des biens peut à première vue ne pas paraître touché au concept de nation et de patrie, il n'en est pas de même pour les migrations de population. Il n'est pas indifférent pour l'avenir de la France, ni que pendant une période les Italiens affluent en France, ni que simultanément ou pendant une autre période, les Français du Languedoc, de l'Auvergne ou de la Bretagne soient conduits à chercher de meilleures conditions de travail dans une Allemagne qui, en cours de développement rapide, offrirait des emplois à des travailleurs menacés par le chômage. Or, ces perspectives ne constituent pas une vue de l'esprit. Si les Italiens se montrent si attachés à la notion de marché commun, s'ils sont impatients d'aboutir à une conclusion concrète, c'est bien, et ils ne s'en cachent pas, pour permettre l'émigration de leurs chômeurs. Dans une certaine conjoncture, lorsque nous manquons de main-d'œuvre, c'est tant mieux pour nous si nous pouvons en trouver dans un pays voisin. Mais dans d'autres cas, lorsque nous sommes menacés par le chômage ou lorsqu'il s'en produit dans notre pays, l'afflux de chômeurs venus du dehors est susceptible souvent d'accepter des salaires sensiblement inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans notre pays, est évidemment de nature à provoquer des contre-coups et des difficultés que nous avons intérêt à éviter. Mes chers collègues, il m'est arrivé souvent de recommander plus de rigueur dans notre gestion économique. Mais je ne suis pas résigné, je vous l'avoue, à en faire juge un aréopage européen dans lequel règne un esprit qui est loin d'être le nôtre. L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique. Car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot, nationale et internationale. Si la France est prête à opérer son redressement dans le cadre d'une coopération fraternelle avec les autres pays européens, elle n'admettra pas que les voies et moyens de son redressement lui soient imposés de l'extérieur, même sous le couvert de mécanismes automatiques. Un extrait des deux discours de 1957 à l'Assemblée nationale de Pierre Mendès-France sur la ratification du traité de Rome et une contestation à la fois de la question de l'immigration qui serait donc successive à la signature de ce traité de Rome. Ça n'était pas le plombier polonais qui était une crainte à l'époque, c'était le maçon italien peut-être. Et puis aussi de la technique donc qui serait ce gouvernement des techniciens qu'on appelle aujourd'hui technocratie et qui était aussi une des grandes constante du discours anti-européen tel que l'Europe s'est faite, Laurent Varlouzet. Oui, alors le discours de Mendès-France a marqué parce que c'est quelqu'un déjà de modéré et puis c'était aussi un homme politique qui avait une grosse expertise économique. Donc c'est vrai que c'est une critique qui a porté. Bon, alors Mendès-France s'est très rapidement rallié ensuite au traité de Rome, mais on peut effectivement l'extrait est tout à fait pertinent pour revoir les principales critiques. Bon, déjà, il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas la Grande-Bretagne, en fait, dans la CE, et lui, par anti-germanisme, oui, évidemment. Il voulait avoir la Grande-Bretagne, et il voulait aussi peut-être une Europe plus libre-échangiste que celle qui était présentée. Alors, au niveau économique, donc, il y avait cette première critique. La deuxième critique, elle était très claire à la fin du discours, c'est la peur d'une Europe technocratique, supranationale. Bon, après, c'est une peur qui s'atténue, parce qu'on voit bien que l'Europe, dans les années 60, reste assez intergouvernementale de toute façon. Et puis la troisième critique, voilà, elle est économique, mais Mendès-France fait une critique, on ne sait pas très bien par contre ce qu'il souhaiterait, donc il a peur, comme vous l'avez bien souligné, d'une arrivée massive d'une immigration économique italienne, Départ des Français vers l'Allemagne. Il surestime la mobilité des travailleurs, il a peur que les Italiens arrivent en France, que les Français des régions pauvres, donc à l'époque on parlait du Languedoc de la Bretagne, avant les plans d'industrialisation, partent en Allemagne, et bon évidemment c'est une peur qui ne se réalise pas, c'est aussi pour ça qu'il devient très rapidement favorable à la construction européenne. Mais sinon par rapport à la Grande-Bretagne, il y a une contradiction, parce que d'un côté il voudrait... On a l'impression, une Europe qu'on appellerait aujourd'hui plus sociale, mais d'un autre côté, la Grande-Bretagne, elle, a toujours été hostile à ce type de développement. Oui, oui, et d'une certaine façon, il ne veut pas abandonner aussi une particularité. J'ai dit tout à l'heure qu'il était libre-échangiste, mais il n'est pas effectivement dans la question d'une Europe véritablement libérale. Il ne veut pas abandonner, Christophe Le Dréau, Pierre Mendès-France, en 1957, le rôle de l'État, parce qu'il a été un des grands défenseurs du rôle de l'État, en particulier dans la reconstruction du pays. Tout à fait. Moi, je soulignerai surtout ce qui m'intéresse, c'est que c'est vrai qu'il est devenu favorable au traité de Rome, mais ce qui me marque dans ce discours, c'est qu'il est devenu vraiment une date clé qui est ressortie lors du référendum, des débats sur le référendum 2005, lors de Maastricht. Chaque fois, on ressort ce discours de Mendès-France, qu'il est devenu le symbole de l'eurosceptique, la référence morale, aussi bien à droite et à gauche d'ailleurs. Moi, c'est ça qui me marque surtout sur ce discours, où finalement, il ne dit pas grand-chose, il dit il y a des craintes, et finalement, il sera finalement favorable à l'Europe. Il avait écrit des textes sur favorable à l'Europe aussi dans les années 30. D'ailleurs. Oui, Victor Massé d'Épinay. Alors l'ACE va voir le jour sans l'Angleterre et en 1961, donc quelques années plus tard, 4 ans plus tard, il va y avoir la première candidature britannique pour adhérer à l'ACE. Christophe Le Dréau, vous faites de cette date un jalon fondamental, un jalon important de cette histoire des oppositions à l'Europe qu'on essaye de faire aujourd'hui. 1961, l'adhésion refusée à la Grande-Bretagne, à la Communauté économique européenne. Pourquoi est-ce que c'est un moment où quelque chose bascule ? Pour moi, la Grande-Bretagne est essentielle. C'est avec la Grande-Bretagne qu'on se pose des questions comme c'est quoi les frontières de l'Europe ? Est-ce que la Grande-Bretagne en fait partie ou pas ? C'est quoi l'identité européenne ? Est-ce que c'est une identité économique, politique ? Et puis, 1961, les Britanniques arrivent avec leur conception, et donc on va se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et par exemple, symboliquement, puisque notre sujet c'est les discours anti-européens, en France, 1961, c'est la création de la première association anti-européenne en France. Il n'y en a pas avant, il n'y a pas de... Est-ce que les Français étaient contre ou est-ce qu'ils étaient favorables ou hostiles au plan Briand ? On n'en sait rien. Il n'y a pas de sondage. Le premier institut de sondage, c'est 1938. Il y a l'Eurobaromètre, c'est 1973. On ne sait pas ce que les Français pensent du plan Briand. Qu'est-ce qu'ils pensent de la CED? On commence à le savoir. Il y a des sondages. Bon, il commence à y avoir une opinion. Mais les premières mobilisations, c'est 61. Donc, on passe de l'ère des gouvernements à l'ère des associations. Qui était contre le plan Briand? C'était les gouvernements. On avait la réponse négative de l'Italie, la Turquie. La Turquie, l'Italie est contre. Mais on ne sait pas ce que pensent les peuples. 1961, vous avez une opinion publique qui commence à se forger. Et en France, vous avez le mouvement pour l'indépendance de l'Europe, qui est un mouvement, on va dire, eurosceptique, pour faire simple, de tendance gaulliste. Vous avez les premières associations fondées également en 61 en Grande-Bretagne. Anti-Common Market League. C'est la première fois que vous avez un militantisme anti-européen. Oui, donc Peter Walker, ou encore Forward Britain Movement, donc issu, lui, des rangs de gauche travailliste contre cette Europe en train de se construire. Birte Wessenberg. Oui, alors je ne sais plus si je dois intervenir maintenant sur le discours de Allez-y, Mendes France. Allez-y, faites les deux à la fois. Alors, écoutez, pour Mendes France, ce qui me paraît important, c'est que il dénonce la technocratie et donc il dénonce en quelque sorte la méthode de Jean Monnet, hein, du fonctionnalisme, et où on donne un pouvoir en fait à l'administration, donc l'administration qui se matérialisera dans la Commission européenne, et c'est un vrai point de critique encore aujourd'hui contre la gouvernance à l'Union européenne. Ça me paraît très important. Donc, ce n'est pas tellement la supranationalité, mais c'est vraiment la technocratie qu'il dénonce. Alors, en ce qui concerne 1961, moi, je pense que là, il faut se placer, moi, je suis allemande, hein, un petit peu du côté, c'est vraiment ce refus, c'est quand même un général de Gaulle qui a fait ce refus-là, et qui c'est un peu... Puisque le général de Gaulle refuse l'adhésion, la première adhésion, donc, des Britanniques à l'Europe. Tout à fait. Et donc ça, c'est un peu une volonté aussi de la part de la France de jouer le rôle politique clé dans une Europe communautaire où ils ne veulent pas des Britanniques. Et les Allemands, par exemple, n'ont pas du tout cette même attitude. Konrad Adenauer est très favorable à l'entrée des Britanniques dans la communauté européenne. Donc là, l'anti-européisme, je dirais plutôt, c'est l'alt-européisme, c'est la volonté de De Gaulle d'avoir une Europe communautaire où il y a un couple franco-allemand et où les Français peuvent jouer le rôle clé. Et puis 1961, ça n'est pas n'importe quoi, puisque c'est aussi la date de sortie d'un film important, un des rares, dites-vous, Christophe Le Dréau, sur le discours européen ou anti-européen. Ça s'appelle Le Président, c'est tiré d'un roman de Simenon, et on y voit s'y affronter, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, un président du Conseil vieillissant, joué par Jean Gabin, et son opposant, qui est anti-européen, joué par Bernard Blier. Pour n'être pas très neuve, l'idée de fédération européenne n'en est pas moins généreuse. Généreuse mais utopique. La suppression de l'actuel système douanier, le libre-échange, sont autant de formules qui relèvent du manuel de littérature mais qui constituent un défi permanent au manuel d'arithmétique élémentaire. Est-ce parce qu'il sera européen que le maître va devenir extensible? Est-ce parce qu'elle sera européenne que la tonne de charbon va doubler de volume? Est-ce parce qu'elle sera européenne que la France augmentera en puissance et en prospérité? Le projet d'union douanière sur lequel le gouvernement nous invite aujourd'hui à voter la confiance est mis en pratique depuis longtemps par les contrebandiers. Mais est-ce une raison suffisante pour l'adopter? Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une émission consacrée dans notre série d'émissions sur l'histoire de l'Europe au discours anti-européen. Et voici un discours anti-européen, celui de Philippe Chalamon, joué brillamment par Bernard Blier, qui porte la contradiction à l'Assemblée nationale, à Émile Beaufort, qui pourrait peut-être ressembler à une sorte d'Aristide Briand, dites-vous, Christophe Le Dréau, qui est joué, lui, par Jean Gabin. En fait, c'est un film qui est vraiment d'actualité, parce que ça commence par la visite d'un chef d'État anglais qui est très grand, très maigre. C'est une copie conforme de Harold Macmillan. Tout le film est basé sur des sosies. Il y a le sosie de Macmillan au début du film. Et puis après, c'est un petit jeu, il faut savoir qui est qui. Et c'est vrai que Jean Gabin... Macmillan, c'est celui qui négocie en 1961 l'adhésion possible à la CE. L'adhésion à la Grande-Bretagne. Et puis après, il faut savoir qui est le symbole du pro-européen et de l'anti-européen. Alors, Gabin, il est un peu bedonnant, vieillissant, avec une moustache. C'est vrai que dans le film, qui est vraiment basé sur la ressemblance physique, alors il y a différents personnages, hein, qui ont servi de modèle, il y a Clémenceau, mais il y a aussi Aristide Briand, qui est vraiment, voilà, il y a une ressemblance physique folle entre Aristide Briand et Jean Gabin. La question, c'est plus pour Philippe Chalamon, qui est Bernard Blier, et alors lui aussi, hein, les scénaristes se sont inspirés de plusieurs personnages. Michel Audiard, mais, le scénariste dans l'occurrence. Oui, le scénariste, voilà. Est-ce que le maître doit être européen? Est-ce qu'il sera extensible? Est-ce qu'il sera européen? Évidemment, c'est du Audiard. Mais Philippe Chalamon, donc, qui est vraiment l'anti-européen, européen, il y a une ressemblance physique folle avec un personnage qui est d'une ambiguïté absolue, qui est Édouard Herriot, qui en 1924 va faire le premier discours à l'Assemblée nationale en faveur des États-Unis d'Europe, qui va être hostile à la CED, qui va écrire un livre favorable à l'Europe en 1930, qui s'appellera Europe, et qui ensuite viendra va donner ses traits à Philippe Chalamont. Oui, sur ce point, Laurent Varlouzet. Oui, on voit bien qu'il faut définir ce qu'on entend par Europe. Et là, je vais revenir sur ce discours de 61 et sur les Britanniques. Le tournant aussi de 61, c'est que les Britanniques veulent proposer leur vision de l'Europe. C'est pour ça que Charles de Gaulle les refuse. Déjà en 57-58, ils avaient proposé une zone de libre-échange. Ils avaient refusé le traité de Rome parce que il était orienté vers les colonies. Les Français voulaient des clauses sociales. Les Français voulaient l'agriculture. Ça les a arrangez pas. Un peu de protectionnisme, en l'occurrence, les Français voulaient un peu plus de protectionnisme. Voilà, une Europe plus régulée, quoi, disons. Ouais. Les Britanniques voulaient uniquement une Europe commerciale. Donc c'est ce que refuse Charles de Gaulle. Et l'autre élément aussi, c'est la différence entre les aspects politiques, les aspects économiques, la rhétorique et la pratique. De Gaulle a défendu le traité de Rome, il a défendu aussi le libre-échange, il a mis en place à la fois le traité de Rome et le plan REF, un plan d'économie et un plan d'ouverture des marchés. Donc, alors qu'aujourd'hui, le général de Gaulle est utilisé surtout par les anti-européens, les protectionnistes, les nationalistes. Donc, vous voyez, il y a une différence entre la rhétorique, parfois interprétée de l'extérieur, et la réalité des politiques. Victor Massé de l'Épine. Et alors, justement, comment est-ce que les historiens font par-delà, au-delà de ces jalons que vous évoquez, par exemple 61, Christophe Le Dréau, pour intégrer dans cette histoire des anti-européismes ou des alter-européismes. Vous allez recevoir des courriers, là. Des courants de pensée. On a parlé donc de Lénine et du communisme un peu tout au long du XXe siècle. On parle à l'instant du général de Gaulle et du gaullisme. Ce sont à la fois, il y a à la fois dans ces façons d'être anti-européens, des constantes et des actualisations. On n'est pas pareillement anti-européen en se réclamant du général de Gaulle avant 61 ou au moment du traité de Maastricht. Oui, bon, juste pour illustrer, pour donner un exemple pour vous répondre, il y a une famille qui m'intéresse beaucoup, ce sont les royalistes, qu'on oublie tout le temps, l'Action française. Donc je vous ai dit que Charles Maurras est l'un des premiers à parler d'Europe alors que l'Europe n'existe pas. Elle est un vague projet utopique dans plusieurs siècles. Il écrit déjà dans les années 20 contre l'Europe. Il y a un discours qui parfois permet des regroupements d'ailleurs avec les communistes. Si vous prenez le discours de l'Action française, bon, il y a l'anti germanisme, la peur viscérale de l'Allemagne. Bah, c'est vous qui allez recevoir du courrier en disant que les monarchistes et les communistes sont d'accord. J'ai des exemples de coopération. Une Europe qui est forcément chrétienne, et vous avez des débats actuellement sur les racines chrétiennes de l'Europe. L'antisémitisme qui a changé, évidemment, on ne parle plus d'antisémitisme, mais vous avez l'idée qu'il y a des comités occultes, Bilderberg, qui éventuellement tiraient les ficelles, donc c'est juste une modernisation, la xénophobie. Vous avez toute une série de choses comme ça, et on oublie de dire, par exemple, vous avez des personnages comme Paul-Marie Couteau aujourd'hui, qui est proche de l'Action française, comment des groupuscules arrivent à avoir une page dans le Figaro. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit clairement, j'appelle Pierre Pujot, qui dirige l'Action française en 92, qui connaît des journalistes au Figaro, et mon article est publié. C'est des gens qui sont là, derrière. Et parce que vous avez fait des entretiens, justement, avec ceux qu'on appelle anti ou alter européens, pour votre travail, justement, en l'occurrence, Christophe Le Dréau. Peut-être écouter un dernier texte et redonner la parole ensuite à Birte Wassenberg. C'est un texte de 1978, le 6 décembre 1978, Jacques Chirac, après un accident de voiture, se trouve à l'hôpital Cochin et il en profite pour faire un communiqué qui s'appelle désormais, dans l'histoire, l'appel de Cochin. Il est des heures graves dans l'histoire d'un peuple où sa sauvegarde tient toute dans sa capacité de discerner les menaces qu'on lui cache. L'Europe que nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait s'épanouir une France digne et forte, cette Europe, nous savons depuis hier qu'on ne veut pas la faire. Tout nous conduit à penser que derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. L'élection prochaine de l'Assemblée européenne au suffrage universel direct ne saurait intervenir sans que le peuple français soit directement éclairé sur la portée de son vote. Elle constituera un piège si les électeurs sont induits à croire qu'ils vont simplement entériner quelques principes généraux, d'ailleurs à peu près incontestés quant à la nécessité de l'organisation européenne, alors que les suffrages ainsi captés vont servir à légitimer tous ensemble les débordements futurs et les carences actuelles au préjudice des intérêts nationaux. Le gouvernement français soutient que les attributions de l'Assemblée resteront fixées par le traité de Rome et ne seront pas modifiées en conséquence du nouveau mode d'élection. Mais la plupart de nos partenaires énoncent l'opinion opposée, presque comme allant de soi. Or, le président de la République reconnaissait à juste raison dans une conférence de presse récente qu'une Europe fédérale ne manquerait pas d'être dominée par les intérêts américains. C'est pourquoi nous disons non. Non à la politique de la supranationalité. Non à l'asservissement économique. Non à l'asservissement économique. Non à l'effacement international de la France. Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Mais comme toujours, quand il s'agit de l'honneur de la France, partout des hommes vont se lever pour combattre les partisans du renoncement et les auxiliaires de la décadence. Avec gravité et résolution, je vous appelle dans un grand rassemblement de l'espérance à un nouveau combat. Celui pour la France de toujours et l'Europe de demain. Voilà l'appel de Cochin, 6 décembre 1978 de Jacques Chirac, avec ces phrases qui sont restées, qui sont parfois dans les manuels d'histoire aujourd'hui. Le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort, ou encore critiquant les partisans du renoncement et les auxiliaires de la décadence. Birte Wassenberg. Oui, alors, ce qui me frappe le plus dans ce discours, et je crois qu'il faut le placer dans son contexte historique, c'est cette peur des premières élections au suffrage universel du Parlement européen, qui sont vraiment un signe que l'Europe, en fait, vers la marche vers la fédération européenne, fonctionne, parce que c'est quand même l'élément démocratique qu'on apporte à cette communauté européenne. Et d'ailleurs, sur proposition franco-allemande, hein, c'était le couple franco-allemand qui avait proposé ces élections au suffrage universel. Et la peur que ce Parlement pourrait avoir quelconque pouvoir qui échapperait ensuite aux nations. Et j'ai moi-même fait un travail sur la campagne électorale de ces élections européennes en France et en Allemagne. Et là, vous pouvez trouver de nombreux discours anti-européens, mais qui sont très violents, d'une part par des partis d'extrême comme les communistes en France, mais aussi par la peur de cette emprise européenne d'une assemblée commune qui pourrait échapper au pouvoir au Parlement nationaux aussi. Victor Massé-Lépinay. Il n'y a pas si longtemps que les historiens travaillent sur ces oppositions à l'Europe. En fait, ça date essentiellement des rejets par la France et les Pays-Bas des traités de 2005 et par le non de 2008 plutôt. Alors, si on fait un peu d'historiographie, les historiens sont très en retard par rapport à la science politique. C'est la science politique qui a écrit les premiers livres d'histoire de l'Europe. Ce sont souvent des juristes ou autres qui écrivent les manuels d'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que les lycéens, souvent, n'aiment pas trop les cours d'histoire quand on arrive sur le chapitre sur la construction européenne, parce que c'est une histoire qui est basée sur tous les traités, le traité de Paris, le traité de Rome. C'est une préoccupation de juristes. Et puis les historiens, les premiers travaux d'historiens à proprement parler, c'est 2005. Vraiment les premiers colloques sur ça, c'est après 2005, effectivement. Il n'y a pas d'intérêt, on a abandonné ça, la science politique. Mais alors, qu'est-ce que ça change de s'y intéresser en historien et qu'est-ce qu'il faut pour s'y intéresser en historien? Vous avez par exemple, et ça me permet de rebondir sur votre question aussi, Victor, c'est de l'épiner sur la méthode historique. Vous avez en 2006, je crois, l'ouvrage de Christine Manigan et Yann Dulphy qui sort sur la France au risque de l'Europe. Donc voilà une première étude historique. Et puis après, Christine Manigan a pas mal travaillé sur les gaullistes et l'Europe. Et donc effectivement, je dirais pas que nous sommes, nous historiens, en retard sur les politistes. Simplement, on n'a pas les mêmes questionnements. Donc nous, on attend 20 ans, 30 ans. Donc on attend un certain recul historique. Et d'autre part, l'aspect traité politique publique est important pour voir le décalage entre les discours et les réalités. C'est toujours le même problème dont on parle depuis tout à l'heure, de quelle Europe on parle au niveau politique, au niveau économique, quelle procédure, quelle décision. Oui, et puis de toute manière, quand on travaille en historien, on a besoin d'archives. Et Christophe Le Dréau, vous dites par exemple, vous vous intéressez à cette multitude de petits mouvements qui ont pu être pro-européens pendant l'entre-deux-guerres, par exemple, mais aussi à d'autres mouvements qui ont été anti-européens ou alter-européens à partir des années 50, par exemple. Et ces mouvements laissent peu d'archives, ils sont peu présents. C'est absolument dramatique. Parce que, bon, moi je travaille, je fais souvent des entretiens avec des personnes qui ont milité contre Maastricht, c'était déjà il y a assez longtemps, ça fait presque 40 ans, donc ils avaient 40 ans en 1992, ils arrivent déjà à 70-80 ans, donc c'est maintenant qu'il faut collecter les archives. Et moi je sais par exemple, j'ai travaillé sur un mouvement qui s'appelle le Conseil National Souverainiste, qui était la principale fédération souverainiste. Bon, c'est 5 mètres linéaires, sur un balcon à Boulogne-Billancourt, sous une bâche. Il n'y a pas d'institution d'archives. Heureusement, le fondateur est un historien qui travaillait à l'Institut catholique de Paris. Donc, il n'a pas jeté les archives, mais elles sont là. Personne ne les collecte aujourd'hui. Ça m'est arrivé de contacter des personnes 70 ans, et elles me disent, je les offre parce que je ne sais pas quoi en faire. Il n'y a personne, ça n'intéresse personne. Ouais. Birte Wassenberg, sur ce point, justement, Comment faire les historiens? Alors, écoutez, moi, je pense qu'il y a plusieurs entrées. On peut passer par une étude par nation, hein, parce qu'on peut aller regarder en France, en Allemagne, en Italie, les mouvements anti-européens. On peut passer aussi par une analyse des partis politiques. On peut passer aussi, et on n'a pas parlé de ça dans cette émission, et là, c'est plus difficile, de voir l'attitude de la population européenne. Oui, les opinions publiques. Les sondages ou les référendums, l'analyse de tout cela. Alors pour ce qui est des archives, et ça me tient à cœur de le dire ici, moi j'ai une approche très contemporaniste à l'histoire, et je pense que nous avons des possibilités, par exemple pour les discours anti-européens, d'avoir recours à des documents qui ne sont pas soumis à la règle de 30 ans. Par exemple, les discours dans les assemblées européennes sont disponibles jusqu'à aujourd'hui, donc on peut faire des analyses sur des récentes périodes là-dessus. Donc vous voulez dire qu'il ne faut pas désespérer, contrairement à ce que disait Christophe Ledréau tout à l'heure, c'est ça? Oui, et il ne faut pas laisser le champ aux politistes. Voilà, il faut qu'on s'y impose. Donc, alors, voilà. La bagarre disciplinaire autour de la question des anti- ou alter-européens, Christophe Ledréau. Je suis tout à fait d'accord, il faut faire de l'histoire immédiate. Ça, c'est une obligation. Là aussi, j'avais travaillé sur le comité francilien contre l'euro. Les archives sont perdues. Pour une raison très simple, c'est que on peut pas écrire cette histoire-là 50 ans plus tard. Pour une raison très simple, tout est stocké sur des ordinateurs. Et les archives de ce mouvement-là ont disparu parce que l'ordinateur a grillé. Et il faut les récupérer au fur et à mesure. Nous sommes obligés d'avoir... À quoi tenons-nous en tant que pauvres historiens? On a pu faire l'histoire de Panoros, parce qu'on a gardé les correspondances papier. Merci à tous et merci à toutes. Merci à vous, Birte Wassenberg, et à nos collègues de Strasbourg qui vous ont accueillis donc, en tant que professeur d'histoire contemporaine des relations internationales à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg. On mettra toutes les bibliographies sur notre site. Et puis, notons en l'occurrence, Laurent Warlouzet, que vous êtes auteur d'habilitation à diriger des recherches, que vous avez d'abord publié en anglais chez Routledge, donc Governing Europe in a Globalizing World, donc en l'occurrence sur le néolibéralisme et ses alternatives après la crise du pétrole de 1973. Ça vient tout juste de sortir, et vous avez travaillé avec donc, entre autres, Christophe Ledréau, à anti-européen, eurosceptique et souverainiste, une histoire des résistances à l'Europe. Là, j'ai pas participé à ce livre, j'ai participé à l'autre. À l'autre, Penser et construire l'Europe au XXe siècle avec Jean-Michel Guilleux et Jenny Raflix, et chez Belin Sup. Merci à toutes et merci à tous.